objet. Bonjour Festival. Voici notre invité mystère du jour, un objet de la scénographie du Festival Archipel 2024 que nous sommes allés rencontrer chez lui pour qu'il nous raconte quelques anecdotes de sa vie. À vous, chers spectateurs du Festival, de découvrir son identité. Cher objet, qui êtes-vous vraiment? Ça, c'est une question presque un peu métaphysique. Je ne sais pas si je peux répondre à ça comme ça, mais je peux donner quelques indications sur mon extérieur, par exemple. Donc, je suis grise, je suis douce, on pourrait dire molle. Non, molle, c'est vraiment pas sympa. Donc, disons plutôt que je suis douce. Et je mesure 1m20 sur 60 cm sur 6. Ça donne quand même un peu une idée. Ah bah c'est très très bien déjà. Je pense que là, avec ça, avec ces indications, sans en savoir plus sur votre parcours, on vous situe déjà pas mal. Et donc, si on vous a invité ici à la radio, c'est parce que vous avez vraiment votre rôle à jouer dans ce festival. Quel est ce rôle? Ça fait donc 4 ans que j'interviens au Festival Archipel, pas toute seule, hein, bien entendu, avec toute ma famille. On est vraiment très nombreux et on intervient dans beaucoup d'espaces, surtout dans les espaces conviviaux, mais aussi un peu à des endroits où il y a des concerts. Et votre rôle est en premier lieu esthétique? On vous apprécie pour votre physique. On vous apprécie certes pour notre physique, mais ce n'est pas uniquement pour la beauté pour les yeux, mais c'est aussi parce qu'on est un soutien acoustique pour le festival. On peut dire que vraiment on aide à ce que ça se passe au mieux. Ok, donc vous êtes un peu dans la musique, dans le son en tout cas. Ah non, mais ça, normalement pas du tout. Je veux dire... On intervient rarement dans des festivals et on n'avait aucun lien avec la musique auparavant. Souvent, dans notre famille, on travaille plutôt caché des yeux, derrière les murs, et on aide à ce que les gens se sentent mieux isolés, on va dire. Ça c'est vraiment intéressant, d'accord. Et vous avez fait un parcours, vous avez fait où la formation? Ah, alors on est formé, plutôt formaté, on peut presque dire, parce que entre différentes objets de la même famille, on se ressemble vraiment très très fort. Et on vient de la Suisse alémanique. Je sais, ça s'entend pas parce que j'ai quand même passé moins de temps en Suisse alémanique que maintenant que je passe. Donc ces dernières années en francophonie, on a certes encore un petit accent, mais ça se sent presque plus. Et on vient de la campagne et on a vraiment un passé très campagnard. On peut même dire qu'on vient du dos des... De quelques-uns des animaux des plus répandus, coucou habitants avec les humains. On va essayer de ne pas en dire plus. J'ai encore une dernière question. Est-ce qu'il y a quelque chose dans le festival que vous pourriez partager avec les spectateuristes, peut-être un concert qui vous parle particulièrement? De par le fait qu'on n'est pas trop présent dans les salles de concert, il n'y a pas tous les concerts qu'on va pouvoir suivre. Aussi, on est des objets qui restent un peu installés dans un endroit, donc on a une mobilité quand même très très réduite. Par contre, il y a un concert d'une personne humaine qui est déjà intervenue l'année passée dans le festival, qui s'appelle Clara Lévy, et puis elle a joué dans le foyer du haut, donc devant le salon d'écoute. Et là, comme quelques-uns de nous nous sommes présents à cet endroit-là, nous avons pu donc suivre cette chose l'année passée, et elle va revenir cette année, dimanche 21 à 19h30, avec un petit copain, avec Alexis de Grenier, et ils vont faire un concert d'un projet qu'ils appellent Dispar. Donc ça, c'est quelque chose qui me rend très curieux, voilà. Donc je me réjouis de ça. Merci beaucoup. C'était vraiment, vraiment très intéressant de vous avoir ici. Merci beaucoup. On vous laisse avec quelques sons encore que vous nous avez amenés de votre enfance et on dit à bientôt et à tout à l'heure dans le festival.